Section 3 de « Histoire générale du IVe siècle à nos jours », tome 1er. Chapitre 1, deuxième partie, la crise de l'Empire au IIIe siècle, par André Berthelot. Premier symptôme de décadence. Si remarquable que paraît cette organisation, il y avait dans le gouvernement et dans la société des vices mortels. Le gouvernement allait au despotisme administratif et à l'oppression fiscale. La société allait à l'immobilité des castes et à l'oppression de la liberté individuelle. Telles furent les causes qui, dans la seconde période, amenèrent l'affaiblissement et la dissolution de l'Empire. C'est dans la société que s'annoncent les changements les plus graves. Le nombre des non-libres croît sans cesse. Les esclaves paraissent la majorité de la population. Le système social que nous avons exposé n'était bon que si le mouvement et le progrès de bas en haut, possibles en théorie, se réalisaient dans la pratique. Or, les conditions économiques générales de la société rendaient très difficile ce progrès continu. Le Romain n'estimait que la richesse foncière. Il réputait servile l'industrie, dédaignait le petit commerce, prisait peu même le grand commerce, interdit à l'ordre sénatorial. Une loi de Tibère obligeait les capitalistes à placer en fonds de terre les deux tiers au moins de leur fortune. Trajan voulut que ceux qui aspiraient aux dignités eussent un tiers de leur fortune placé en bien-fonds situés en Italie, le reste pouvant être placé dans les provinces. La richesse foncière n'avait point le contrepoids de la richesse mobilière. Il circulait alors 20 fois moins de métaux précieux qu'aujourd'hui. On s'enrichissait peu par le commerce, encore moins par l'industrie, qui était en grande partie aux mains des propriétaires d'esclaves, lesquels étaient les propriétaires de terres. Les riches s'enrichissaient toujours, pendant que les autres toujours s'appauvrissaient. Au-dessous d'une aristocratie qui s'immobilisait, les classes moyennes demeuraient stagnantes et s'épuisaient. Les grands désordres du IIIe siècle portèrent un coup mortel à l'ancienne organisation de l'Empire. Cette dispute pour le pouvoir impérial, qui a duré un demi-siècle, les armées élisant chacune un empereur, les empereurs se faisant la guerre, 20 empereurs en même temps, les ravages partout, l'Occident bouleversé, ruiné, toute industrie arrêtée, le mouvement ascensionnel si difficile en temps normal empêché, l'écrasement des petits, spécialement des petits propriétaires, complété. De cette crise, le gouvernement sortit transformé, la société aussi, dans le sens que nous indiquions tout à l'heure. Transformation dans l'état social. Passons en revue les différentes classes sociales, en commençant par les classes serviles, où nous rangerons tous ceux qui dépendent de quelqu'un. Les esclaves, d'abord. Le christianisme continue l'œuvre de la législation impériale. Constantin enlève au maître le droit de mort, défend de séparer l'esclave de sa femme et de ses enfants. Il semble d'ailleurs que, surtout en Occident, l'esclavage urbain, familia urbana, perdent de son importance. Dans la campagne, l'usage s'est introduit d'inscrire les esclaves, servir ou stéki, sur les registres du sens, en sorte qu'ils sont attachés à la terre pour n'être vendus qu'avec elle. Ceci devient, au IVe siècle, la loi. Ils sont serfs de la glèbe, non du maître. Les affranchis, parmi lesquels il y a toujours des degrés, citoyens romains, citoyens latins, Dedititii paraissent moins nombreux, au moins en Occident. Le nombre des colons grossit sans cesse. Affranchis, anciens fermiers à bail perpétuel, petits propriétaires devenus fermiers, barbares prisonniers donnés à un propriétaire comme colons perpétuels, recrutent cette classe qu'il faut considérer comme servile. Les colons sont libres, en principe, ingenui, ils cultivent un sol qui ne leur appartient pas, ne peuvent en disposer, paient une redevance, tributum, au propriétaire. Tout cela est d'un fermier. Mais ils ne peuvent quitter le sol, sont vendus avec lui, ce qui les assimile aux esclaves. Les enfants héritent de leur père, ne peuvent sortir de sa condition. Un colon ou son fils veut-il échapper, le maître peut le ramener, car il a un maître, dominus, la loi emploie ce mot. Les colons sont les hommes de ce maître. Qui assure eux, sinon un droit de justice, du moins un droit de correction. C'est lui qui les livre au recrutement militaire. Le colon doit à son maître tout ce que le vilain du Moyen-Âge devra à son seigneur. Des redevances en argent et en nature, obsequia, des corvées, operae, déterminées déjà par la coutume du domaine, consuetudo predii. S'il se marie hors du domaine, il paie une espèce de droit de fort mariage, commodum nuptiarum. Cette classe s'accroît constamment. En vain, le code théodosien essaie d'empêcher les violences des grands propriétaires, les ventes simulées, etc. Donc, toute une population servile ou demi-servile se fixe sur le sol. Ces hommes sont ou répartis dans des cases, casarii, ou groupés dans une villa, sous un intendant. Les uns sont les vrais serfs de la glèbe, les autres deviendront les vilains. Dans la population libre, la plèbe des indépendants non propriétaires tend à disparaître. Il en reste probablement dans quelques régions de l'Empire. La loi n'en parle pas. Presque tous habitent les villes, où ils sont mendiants, voleurs ou petits artisans. Au-dessus sont les ouvriers, collegiati, que l'État a fixés dans leur corporation comme les serfs sur la glèbe. Les plus importants sont les négociants et les artistes. C'est le fond de la population des villes. Elle n'a aucun rôle dans le gouvernement, ne nomme plus les magistrats municipaux. En revanche, depuis que le christianisme a pénétré dans cette classe urbaine, elle a son rôle dans l'élection des évêques et dans les querelles religieuses. Au-dessus de la plèbe sont les curiales. Les curiales, c'est l'ancien sénat municipal, ordo decurionum, agrandi. Sont curiales tous ceux qui possèdent 25 arpents de terre. Dans leur rang sont pris les dignitaires, principales, qui ont géré, qui gèrent les magistratures. Curiales, simples et principaux forment le conseil de la cité. Les premiers debout, les autres assis. Les principaux administrent. Mais d'une part, le gouvernement de la cité, même le gouvernement intérieur, n'est plus libre. D'autre part, la cité est accablée par des impôts énormes, dont la classe des curiales est responsable. C'est pour cela que les lois ont élargi le cadre des décurions qui cessent d'être un sénat et qui deviennent une classe, la classe sur laquelle pèse tout l'Empire, à laquelle tout le monde veut échapper en s'abaissant ou en s'élevant, mais à laquelle on est rivé par la loi. Au-dessus des curiales, confinée dans la cité, la grande classe sénatoriale, répandue dans tout l'Empire. Elle est le produit de la fusion des anciennes classes équestres et sénatoriales, la première disparaissant au temps de Constantin. Elle se compose de tous ceux dont un ancêtre a géré une haute magistrature ou certaines charges du palais ou obtenu de l'empereur le titre sénatorial. Entre les sénateurs, il y a des différences de rang, illustres, clarissimi, spectabiles. Voici la noblesse sénatoriale que nous retrouverons encore au VIe siècle. Ses membres exercent les hautes fonctions déléguées par le pouvoir impérial et arrivent aux honneurs d'Église. Ils ont les grands domaines. C'est avec eux que partageront les conquérants barbares. Ils sont les maîtres d'une foule d'hommes. Chose à remarquer, ils ne sont plus soldats. En somme, il reste quatre classes. Servile, plébéienne, curiale, sénatoriale. Les classes intermédiaires, qui étaient des échelons, disparaissent. Affranchis ou petits propriétaires sont tombés dans le colonnat ou classés dans la curie. L'ordre équestre n'existe plus. Perpétuellement diminuent les moyens de s'élever. La richesse décroît. On ne peut s'élever dans l'armée qui devient la chose des barbares. De plus, le gouvernement a peur de tout progrès et de tout mouvement. Il empêche le passage de la classe curiale à la classe sénatoriale. Ces classes fermées deviennent des castes avec des impôts différents, une juridiction différente. L'immobilité produit en haut l'amollissement, en bas l'écrasement. Aggravation du régime fiscal. De lourdes charges pèsent sur cette société. Le gouvernement lui demande de l'argent, des hommes, des services. Les impôts sont multiples. Premièrement, l'impôt foncier, tributum, perçu sur le sol qui a été cadastré d'après des règles excellentes suivies encore aujourd'hui. Le tributum est fixé par l'empereur à chaque cens, tous les 15 ans au IVe siècle. Cette période est celle de l'indiction. Deuxièmement, l'impôt personnel, capitatio, pour ceux qui ne paient ni l'impôt foncier ni l'impôt mis sur les industries, artisans, ouvriers, colons, femmes, enfants, esclaves. La plèbe urbaine en est souvent exemptée. C'est le maître ou le chef de la famille qui paie la capitation. Les curiales et les sénateurs n'y sont pas soumis. Mais chacun d'eux, selon sa fortune, fait un présent qui est converti en impôt. Aurum oblaticium, coronarium. Troisièmement, le chrysargyr, impôt d'industrie, séparé depuis Constantin de la capitation, levé tous les 5 ans sur les industriels comme une sorte de patente. Quatrièmement, les impôts sur les successions et les affranchissements par testament, vicesima hereditatum et libertatis, sur les ventes, vectigal rerum venalium. Cinquièmement, les impôts indirects, douanes, portoria, péages sur les routes, sur les ponts, dans les ports, telonea, le monopole du sel. Sixièmement, les prestations en nature, fourniture de vivres, vêtements, fourrage pour l'armée, de vivres et ustensiles pour les fonctionnaires, logement des soldats et envoyés de l'empereur, corvées pour la construction et l'entretien des routes et des ponts, corvées de chevaux et de voitures pour les transports militaires. Tout cela à la volonté de l'empereur, à la discrétion de ses agents. Il est impossible de déterminer la quotité ni le rendement de l'impôt. En tout cas, il faut tenir compte des exactions des fonctionnaires. Notons que l'État n'avait à entretenir ni les routes, ni les ponts, ni les temples, ni le clergé, ni les écoles, qu'il n'avait les frais ni de répartition, ni de perception de l'impôt. Alors même que ce budget eût été supportable en temps ordinaire, il faut ajouter qu'il y eut, au IIIe et au IVe siècle, des calamités tout à fait extraordinaires. On s'explique l'écrasement du contribuable. L'armée a perdu tout caractère national. L'Empire demande en outre le service militaire. Son armée ne ressemble guère à l'ancienne armée romaine. Le temps est loin où tout citoyen demeurait au service tant qu'il avait la force d'être soldat. Depuis les guerres civiles où périt la République, il s'était formé une armée permanente, distincte de la nation. Auguste avait cherché à rattacher l'armée au reste de la société en imposant le service militaire à tous les fonctionnaires. Pour être sénateur, il fallait avoir été 5 ans tribun dans une légion, où l'on reviendra ensuite comme chef de légion, chef d'armée, avant d'être gouverneur de province. Le recrutement était médiocre. Il se faisait par voie d'enrôlement volontaire avec l'appât d'une forte solde et de grands avantages à la libération après 20 ans de service. On donnait alors une terre avec quelques esclaves, de l'argent, le titre de citoyen romain. On était obligé de pratiquer aussi un recrutement assez irrégulier fait par les officiers spéciaux, delectatores, et très arbitrairement, ce qui rendait fort odieux ce procédé. Aussi voit-on les empereurs admettre le remplacement, enrôler de plus en plus des esclaves préalablement affranchis, surtout des affranchis colons et clients, qu'ils forcent le maître à donner pour le service militaire. Ce devint le mode habituel de recrutement. Au IVe siècle, on demande à chaque propriétaire un certain nombre de conscrits, praebitio tironum, proportionnel à la valeur des terres. Le service militaire devient une sorte d'impôt foncier. Il s'attache à la terre, il en est une charge. Là où une propriété ne suffit pas, plusieurs petits propriétaires se réunissent pour fournir un étranger ou un serviteur. Comme ces conscrits étaient de très mauvais soldats, on remplaça bientôt la levée par un impôt, aurum tyrannicum. On cherche ailleurs des recrues. Depuis longtemps déjà, on avait appelé des étrangers. On s'était payé de mauvaises raisons. On avait invoqué comme prétexte la nécessité de diminuer la force agressive des barbares en leur opposant des corps combattant comme eux. Bientôt, l'armée romaine a perdu tout caractère national. Avec Commode commence le cursus honorum, incomplet, où il n'est pas fait mention de charges militaires parce qu'il y a eu exemption de ces charges. Caracalla multiplie ses dispenses. Galien en fait une règle. On arrive à la séparation des fonctions militaires et civiles, ce qui entraîne une double conséquence. Affaiblissement du Sénat, qui même sous l'Empire, était resté une grande école d'administration. Décadence du corps des officiers. Il n'y a plus que des officiers de fortune. L'armée n'a plus de patriotisme, elle est avide d'argent. Elle fait des révolutions pour avoir le cadeau. Donatium, par lequel l'empereur payait sa bienvenue. Elle a toujours des chefs prêts à se révolter. De là l'avènement de Maximien à l'Empire et celui des 30 tyrans. Force au service de tout ambitieux, l'armée est faible en face des barbares. Dans la réorganisation de l'Empire par Constantin, la Légion est réduite à 1500 hommes. Les garnisons qu'on met à l'intérieur affaiblissent l'armée. Sur les frontières, les troupes sont en grande partie composées de barbares. Cela fait comprendre que leur résistance à l'invasion n'ait pu être bien efficace. Outre l'impôt et le service militaire, le gouvernement impérial impose encore des services. Au clarissime, les fonctions d'empire. Au curial, les fonctions municipales. D'autres obligations aux corporations. Il ne demande rien aux classes serviles, mais il les atteint indirectement. En échange de tout cela, il donne la paix et la justice. La rançon paraît singulièrement lourde, car cette rançon, c'est l'exploitation du monde. Transformation dans le pouvoir impérial. La crise du IIIe siècle a produit des conséquences pour les pouvoirs supérieurs de l'État. À la période du Haut Empire succède celle du Bas Empire. Désormais, il est presque inutile de faire mention du Sénat. Il y a bien encore un Sénat distinct de l'ordre sénatorial où il se recrute et qui semble ne se composer que de consulaires. Il n'a plus de compétences, sauf en ce qui concerne les jeux, l'élection des consuls suppléants, sous facti, des prêteurs et des questeurs, lesquels ont perdu leurs anciennes attributions. Consulté quelquefois par l'empereur sur la décision d'affaires judiciaires, jugeant par délégation les crimes de majesté commis par les hauts personnages, recevant communication des lois nouvelles sous forme de discours de l'empereur, il n'a plus aucun rôle effectif. Le consulat honorifique est un prétexte à cérémonie. De même, les prêteurs, les questeurs donnent des jeux. Tout cela, nous pouvons le négliger pour arriver de suite à l'empereur. Il est ce que la force des choses voulait qu'il devint, absolu, sans restriction. Les vieilles formes ont disparu pour laisser paraître le maître. Les titres des vieilles magistratures se sont effacés. Le maître, ce mot « dominus », est aussi employé que celui d'imperator, est une sorte de dieu personnel, presens et corporatis deus, vêtu de pourpre, couronné du diadème, représenté avec l'auréole. Son palais, sa chambre, son trésor sont qualifiés de sacrés. Une grande partie de ses attributs divins persiste après le christianisme. L'empereur, chose singulière, n'est pas unique. Depuis Dioclétien, il y a presque constamment deux empereurs, l'un à Rome ou à Milan, l'autre à Nicée, puis à Constantinople. En 395, il se fait un partage, en Orient et Occident, mais sans démembrement. Il y a la partie d'Orient et la partie d'Occident, comme disent les textes officiels. Mais il n'y a pourtant qu'un empire, régi par les mêmes lois, les actes législatifs étant communs. Les constitutions portent le nom des deux empereurs qui sont un seul maître en deux personnes, à qui l'on dit « vous, votre majesté », parce que l'on parle toujours aux deux en même temps. Lorsqu'il n'y aura plus d'empereur particulier à l'Occident, il n'y aura dans le monde aucun changement, on reviendra seulement à l'unité de la personne impériale. Si cette dignité impériale n'est pas absolument héréditaire, si le Sénat est encore censé être consulté, en fait, l'empereur désigne son successeur dans sa famille, son fils ou ses fils. L'héritier présomptif est César, l'empereur étant Auguste. Il y a bien quelques usurpations de chefs d'armée, mais ce sont des exceptions. L'usage de juger les empereurs après leur mort, de valider ou de casser leurs actes, a disparu. L'empereur a tout le pouvoir législatif. Il a absorbé en lui ce qui en restait au Sénat, héritier du peuple. Le pouvoir législatif de l'empereur au temps du Haut Empire était semblable à celui des anciens magistrats, faisant des décrets valables pour la durée de leur magistrature, n'ayant force de loi qu'après approbation du Sénat à leur mort. L'empereur est maintenant la loi vivante, lex animata in terris. Il fait des lois, leges, avec le seul consentement de son collègue. Il est la source de toute juridiction et de toute justice. Il se réserve de juger toutes les causes qui l'intéressent. Il a tout le pouvoir administratif, nomme et révoque tous les agents. Il a tout le pouvoir financier. L'impôt arrive dans deux trésors. Aerarium sacrum, alimenté par les impôts directs, indirects, d'enregistrement, etc. Aerarium privatum, alimenté par les revenus des domaines de l'État et de l'Empereur. Mais il est impossible de voir à quoi correspond cette distinction dans la pratique. Entre les besoins de l'État et ses besoins privés, l'Empereur ne distingue pas. Il a tout le pouvoir militaire. En un mot, il a tout, il est tout. C'est la force des choses qui avait amené cette transformation du pouvoir impérial. Il est devenu en droit ce qu'il était déjà en fait. Il faut tenir compte de cette circonstance qu'au IIIe siècle, le pouvoir appartint à des empereurs orientaux ou vivant en Orient. L'Empire, dépouillé de son caractère de monarchie élective et déléguée, prend les airs d'une royauté asiatique. Héréditaire et sacré, comme les anciennes monarchies orientales, il a de plus qu'elle une organisation qui assure une action régulière sur les sujets. C'est le pouvoir le plus fortement organisé que le monde ait connu. Mais en même temps, l'Empire a pris cet autre caractère des monarchies orientales. Souvent, l'empereur est un personnage insignifiant, tout occupé à des cérémonies, laissant gouverner les fonctionnaires qui l'entourent, des favoris, des eunuques, des femmes. L'entourage de l'empereur, sa maison militaire et sa maison civile. Chaque empereur a sa maison militaire. Plus de prétoriens depuis Constantin, et le préfet du prétoire est devenu un simple agent de justice. La maison militaire se compose d'une garde du palais, divisée en plusieurs corps, appelée scolae, et qui est sous les ordres du maître des offices, magister officiorum, d'une garde du corps, domestici, et protectores equites et pedestres, qui a remplacé les anciens prétoriens sous les ordres du comte des domestiques. Il a son conseil, appelé depuis Dioclétien consistoire, consistorium sacrum, composé des quatre grands chefs des services civils de conseillers, des chefs des divers bureaux, du préfet du prétoire, chef de la justice. Ce conseil a les plus vastes attributions. Il assiste l'empereur dans tous les actes du gouvernement. Les procès-verbaux sont rédigés dans les affaires non judiciaires par des secrétaires d'État, notarii, sous les ordres d'un primicerius notariorum. L'empereur a une maison civile, qu'on peut regarder comme divisée en deux services, service du palais, service privé du souverain. Pour le service du palais, nous trouvons une série de corps dont chacun a un chef. Premièrement, agentes in rebus, courriers de gouvernement, parmi lesquels sont les inspecteurs de police, curiosi. Deuxièmement, pour le palais en voyage, mensores, maréchaux des logis, stratores, écuyers sous un comes stabuli, lampadarii, decani, ces derniers faisant des saisies au nom de l'empereur. Troisièmement, officium admissionum, huissier introducteur, invitatores, ou audiencier, cancellarii, sous un magister admissionum. Quatrièmement, les bureaux, scrinia, chargés de la correspondance de l'empereur. Tous ces employés sont sous les ordres du maître des offices. Il a la police et la justice du palais, et par les bureaux intervient dans l'administration générale. Mais chacun des bureaux et services a un magister ou chef. Pour le service privé de l'empereur, nous trouvons des employés aussi nombreux, dont la plupart sont des eunuques. Cubiculari, sous les ordres du primicerius sacri cubiculi, ministeriales dominici, gens de service, page, architecte, sous les ordres du castrensis sacri palatii. Employés du vestiaire, sous les ordres d'un comte, comes sacre vestis, comes donorum, intendant des maisons de résidence, silintiarii et ostiarii, huissiers. Ce personnel est sous les ordres du préposé à la chambre sacrée, prepositus sacri cubiculi. Tout cela est organisé régulièrement pour un service permanent. Ce monde de fonctionnaires passant leur vie dans le palais gouverne le palais et l'empire. La sacro-sainte hiérarchie. Tout fonctionnaire reçoit directement de l'empereur sa nomination. Codiculus dignitatis, avec une instruction sur ses fonctions. Il est inscrit sur un registre du personnel. Nommé pour un an, il est indéfiniment renouvelable. Il a un salaire en argent bien réglé à partir du 5e siècle. Il est pris dans les classes hautes de la société, à divers degrés de la hiérarchie selon la nature de sa fonction, car il y a une hiérarchie de titres correspondant au rang social. En tête sont les illustres, les chefs des 7 branches de l'administration, préfets du prétoire et de la ville, maîtres de la milice, préposés à la chambre sacrée, maîtres des offices, questeurs du palais sacré, comtes des largesses sacrées, comtes des affaires privées, et les comtes et ducs de la garde. Ensuite viennent les spectabiles, officiers qui ne sont pas chefs de service, primi querius sacri cubiculi, primi querius notariorum, magistri scriniorum, chefs de la chancellerie, gouverneurs des grandes provinces, vicaires, comtes et ducs, puis les clarissimi, sénateurs sans fonction, gouverneurs de province. Enfin, les titres inférieurs de perfectissimi et egregii étaient donnés à des fonctionnaires plus modestes. Le rang acquis par ces fonctions se conserve après qu'on est sorti de charge et passe dans la famille. De là cette formation de classe sociale de fonctionnaires. Toute cette hiérarchie participe au caractère sacré de l'empereur qu'elle sert. Elle est dite sacro-sainte. Les fonctionnaires sont en service régulier, in cuta positi, ou extraordinaire, vacantes. Quand ils ont quitté le service, ils sont honoraires, honorarii. Il y a de plus des titres honorifiques spéciaux. Premièrement, patricae, patricius, dignité personnelle accordée depuis Constantin à ceux qui ont rempli de grandes fonctions. C'est une dignité très haute, sans attribution directe. Deuxièmement, comte, comes, titre donné comme distinction à des fonctionnaires civils et militaires. Il y a 3 ordres de comte depuis Constantin. Patrices et comtes joueront un grand rôle au 5e siècle. Les fonctionnaires impériaux reçoivent leur délégation selon des règles nouvelles. Premièrement, ils ne sont pas les délégués de tout le pouvoir impérial. Deuxièmement, ils n'exercent pas ce pouvoir complet, imperium, délégué pour une région déterminée. Ils ont des pouvoirs d'une certaine nature, militaire, judiciaire, financière. Il y a 7 ordres de fonctionnaires entièrement distincts. Administration et justice, finances, divisées en 2 ordres, sacré, largitiones, rex privatae, armée, législation, service du palais, service privé de l'empereur. Troisièmement, le fonctionnaire n'est plus directement en communication avec l'empereur. Il faut passer, pour chaque service, par une hiérarchie qui aboutit à un chef de service, lequel est en rapport avec le souverain. Voici comment se groupent les services. Les préfets de la ville et du prétoire, prefecti urbi, prefecti praetorio, sont comme des ministres de l'intérieur administrant chacun une partie de l'empire. Ils dirigent l'administration et la justice. Il y a un préfet de la ville pour chaque capitale, Rome, Constantinople, et 2 préfets du prétoire dans chaque empire. Ce sont les préfets du prétoire de Gaule, Italie, Illyrie, Orient. Au-dessous de chacun est une hiérarchie à ses ordres, les vicaires et leurs subordonnés, qui sont les gouverneurs. Le préfet du prétoire surveille les gouverneurs, leur transmet les ordres du pouvoir central, reçoit les appels de leur jugement, dirige les services d'intérêt général, comme les postes. Le gouverneur, agent essentiel, rend la justice dans le chef-lieu de la province, métropolis. C'est sa principale affaire. Il transmet aux cités les ordres du pouvoir. Il doit les visiter. Sa surveillance et son autorité pèsent chaque jour plus lourdement sur ce qui leur reste de liberté. Pour l'administration des provinces, les cadres se sont compliqués en se perfectionnant. Le principal est toujours la cité, mais ses curiales sont devenues des agents financiers, des précepteurs de l'empereur. En Gaule, entre le Rhin et les Pyrénées, il y a 120 cités, beaucoup plus qu'au temps de Strabon, car il s'est fondé des villes nouvelles. Au-dessus de ces cités, plus nombreuses et plus petites, est la province. Elle aussi est plus petite. Dans chaque province est un agent de l'empereur, le président, praeses, chargé de lever les impôts et de rendre la justice. Quelquefois, ce gouverneur porte les titres anciens de proconsul, consulaire, correcteur. Il y a, au IVe siècle, 108 provinces, au lieu de 47, auxquelles il faut ajouter les 12 régions italiennes. La Gaule, qui n'avait que 6 provinces, en compte maintenant 17. Au-dessus des provinces sont les diocèses, ou vicariat, division nouvelle. Il y a 14 vicaires, dont chacun est le chef hiérarchique des présidents et le subordonné du préfet du prétoire. Les 4 chefs des services civils sont premièrement le maître des offices, qui est aussi le chef de l'armée. Deuxièmement, le quaestor sacri palatii, qui prépare les lois et joue, dans une certaine mesure, le rôle d'un ministre de l'intérieur. Troisièmement, le comte des largesses sacrées, comme sacrarum largitionum, administre le premier trésor, awararium sacrum, dirige les manufactures impériales, les mines, les monnaies. Il a sous ses ordres un comte par diocèse, un rationalis par province, quelquefois pour 2 ou 3 provinces, pour les ateliers impériaux des préposés, procuratores ou praepositi, chef de ses corporations héréditaires. Pour les mines, des comtes des mines, chefs des mineurs d'État, percevant les redevances payées par les concessionnaires. Pour les monnaies, des procurateurs. De plus, pour la surveillance de la caisse, des hommes spéciaux, praepositi thesaurorum. Quatrièmement, le comte du domaine privé, comes rerum privatarum, commande à des intendants généraux, rationales rerum privatarum, dans les provinces, qui ont au-dessous d'eux des préposés, puis des intendants spéciaux, des troupeaux, des étables, etc. Les maîtres de la milice sont au nombre de 8, dont 5 en Orient, 3 en Occident. Ils ont l'administration et le commandement de l'armée, la garde non comprise. L'armée est divisée en légions, dont chacune est commandée par un préfet, prefectus legionis, en vexilliationes, cavalerie, commandée aussi par des préfets, prefecti alarum, en troupes auxiliaires. Elle est répartie en provinces militaires, dans chacune desquelles le maître de la milice a sous lui des ducs ou comtes, duques ou comites rei militaris. Les provinces frontières ont une organisation particulière. Le duc de la frontière, dux limitis, ou le comte de la frontière, comes limitis, a sous ses ordres les préfets des camps et les préposés aux détachements militaires. Ces ducs et ces comtes des frontières deviendront les marquis et les margraves du Moyen-Âge. Tels sont les cadres. Ajoutons, pour donner une idée complète de l'importance de ce monde administratif, que, de même que chacun des grands officiers a ses bureaux, chacun des fonctionnaires a les siens. L'employé de bureau s'appelle officialis. L'officialité est une carrière où il y a un avancement réglé. Cette administration, organisée d'après le double principe de la séparation des pouvoirs et de la hiérarchie, servira de modèle aux administrations monarchiques de l'avenir, en particulier à l'administration française. Elle est dangereuse parce qu'elle est parfaite, atteignant tout ce qui peut être atteint. Parce que plus elle rend facile l'exécution de la volonté du prince, plus elle pèse sur la liberté du sujet. Parce qu'elle crée cette redoutable tyrannie des habitudes qui s'appelle la routine. Parce qu'elle ne laisse subsister qu'une seule initiative, celle du prince, et qu'elle endort cette initiative. Dangereuse partout, mais là surtout où elle n'a, comme dans l'Empire romain, aucun contrepoids. Où le sujet n'a de recours sérieux contre un fonctionnaire irresponsable à son égard que l'appel à un autre personnage également irresponsable. Ruine de l'Empire par le régime fiscal. Il reste à montrer que cette administration a écrasé la société romaine. La cité en a été abîmée. Il fallut qu'en 364, Valentinien institua le défenseur, defensor puitatis, chargé de protéger les habitants de la commune contre l'insolence et les vexations des gouverneurs et des précepteurs d'impôts. Précaution impuissante, parce que le mal tenait au système général de l'Empire, et qu'une société qui ne pouvait plus s'enrichir ne pouvait porter le poids d'une fiscalité terrible. C'est la fiscalité qui a ruiné l'Empire romain, la fiscalité pesant sur le possesseur, alors que le nombre des possesseurs est diminué par le privilège. Longue est la liste de ces privilégiés qui échappent à l'impôt, la milice du palais, les sénateurs, les professeurs de grammaire et d'éloquence, les artisans qui exercent des professions mécaniques pour les besoins et les plaisirs du peuple, l'Église, l'armée entière. Ceux qui exploitent l'Empire au nom de l'Empereur, c'est-à-dire les castes supérieures, les plus riches, sont privilégiés. Tout le fardeau retombe sur le possesseur. Un édit d'Honorius de 417 est bien topique. Il s'agit des champs abandonnés. Il faut rechercher les anciens propriétaires. Si on ne peut les trouver, ni leurs héritiers, on offrira la terre aux voisins ou à un étranger de bonne volonté. Personne n'accepte. Ces terres restent au fisc. Qu'en résulte-t-il ? Dépouillé de son champ par les exactions ou le répudiant pour se soustraire à une charge trop lourde, le propriétaire se rend chez le riche et devient son colon, c'est-à-dire son sujet et presque son esclave. C'était les curiales, c'est-à-dire les principaux propriétaires qui étaient chargés de la répartition de l'impôt. Il n'est pas impossible qu'ils se soient efforcés de se décharger sur les pauvres. Le fait se retrouve dans l'histoire de toutes les administrations municipales, par exemple en France, au temps de Colbert. En tout cas, ils sont accusés, partout. La haine sociale naît de ces accusations. Mais les curiales étaient plus malheureux encore que méchants, plus opprimés qu'oppresseurs, car ils étaient responsables de l'impôt. La classe des curiales tend donc à disparaître. Une partie s'élève aux honneurs d'Empire et entre dans la classe sénatoriale qui était exempte de l'impôt municipal. Les empereurs s'efforcent d'empêcher, de retarder au moins ce mouvement ascensionnel. Mais les curiales sont si malheureux qu'ils sortent de la curie par tous les moyens. Ils en sont expulsés par les usurpations des riches qui enlèvent aux curiales sa raison d'être, la propriété. Le plus grave est que beaucoup abandonnent volontairement leur propriété devenue une charge odieuse. Sans doute il y a de l'exagération dans les déclamations des polémistes chrétiens comme Salvien ou Lactance, mais les mots dont ils se plaignent sont attestés aussi par Amien Marcellin, par les textes de loi. La condition du colon ne semble point enviable. Cependant, il faut que la loi interdise au propriétaire libre d'y descendre. Elle lui interdit même le refuge dans l'esclavage. On sent que la société se désorganise, et le gouvernement fait les plus grands efforts pour retenir chacun à sa place, le curial dans la curie, le colon dans le colonat, l'ouvrier dans sa corporation, bref, pour rendre les professions héréditaires. Le gouvernement sent bien qu'il y a là un danger politique pour lui. Les particuliers cherchent auprès d'autres particuliers la protection qu'ils ne trouvent plus dans les pouvoirs publics. Une série de lois frappe ceux qui briguent et ceux qui accordent le patronage, patrocinium. Vains efforts. On recherche le patronage non seulement d'un propriétaire voisin, mais des officiers impériaux. Dans le Code théodosien 11.24.1, il est question de la multitude des colons qui sont entrés dans le patronage de divers dignitaires, maîtres de la milice, comtes, proconsuls, vicaires, ducs, etc. Ce ne sont pas seulement des personnes, ce sont des bourgs entiers qui cherchent un maître, lequel s'interposera entre eux et l'empereur. Ce maître, ce seigneur, c'est souvent l'officier impérial, qui, le patronage constitué, exerce sur ses hommes à la fois l'autorité publique et une autorité privée, comme fera le comte du Moyen-Âge. Si bien qu'on voit comment l'Empire allait à la féodalité même sans l'invasion. Les mêmes causes ont produit les mêmes effets. La protection publique ayant manqué, on a cherché, au détriment de la liberté personnelle, la protection privée. En résumé, l'appauvrissement commencé par la crise du IIIe siècle, l'accroissement de dépenses qui résulta au IVe de l'organisation d'une cour somptueuse, d'une administration compliquée et de la multiplication des privilèges, rendirent écrasant le poids des impôts pour la classe moyenne, celle des petits propriétaires, qui le supportaient presque entièrement. Sous ce poids, elle s'affaissa. On peut dire qu'elle disparut. Amiens Marcelin raconte que Valentinien, ayant ordonné pour obtenir une plus prompte rentrée des impôts, de faire mourir 3 curiales dans plusieurs villes, le préfet du prétoire, Florentius, répondit « Que faire s'il ne s'en trouve pas 3 dans chacune ?» La lecture des Novelles de Majorien n'est pas moins concluante. Il fait un tableau épouvantable des misères causées par les exactions et dit que les villes ne peuvent plus avoir de curiales, les propriétaires terrifiés abandonnant leurs terres. On ne peut mieux marquer l'enchaînement de cause à effet entre la mauvaise administration financière et la disparition de la classe moyenne. Or, par cette disparition, il ne restait plus que des privilégiés et des classes serviles. Il n'y avait plus nulle part de vie politique dans l'Empire. La facilité à obéir au souverain, quel qu'il soit, prouve contre l'état moral de la société romaine. Cette faiblesse de caractère du sujet romain fera la force des rois barbares, souvent bien médiocres. La décadence est générale, elle se marque aussi dans l'ordre intellectuel. Nulle vigueur dans les œuvres littéraires de cette époque. Il n'y a plus de vie que dans la religion, mais précisément la religion qui vient de triompher est incompatible avec l'Empire. Fin de la section 3.